Star Wars, un univers en bande dessinée. Bonjour Émilie. Bonjour. On avait envie en fait de discuter de bande dessinée Marvel tous les deux, tout simplement ce mois de décembre, parce qu'en fait l'actualité du côté de l'univers de la saga Star Wars est extrêmement chargée avec la sortie de Rogue One, et puis on s'est dit, en confrontant un peu nos lectures et notre point de vue sur le film, que ce serait intéressant peut-être d'enregistrer cela et d'en faire profiter tous les auditeurs et tous ceux qui auraient envie, pourquoi pas, de poursuivre l'aventure en ayant vu Rogue One, en allant farfouiller du côté des bandes dessinées, et notamment celles qui sont sorties du côté de chez Marvel. Et il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Tout à fait, tout à fait. Donc, pour commencer, on va peut-être resituer en fait l'univers Marvel en bande dessinée. L'origine de la licence des bandes dessinées, il faut savoir qu'en fait en 1977, George Lucas avait tous les droits sur les produits dérivés concernant sa saga, puisque c'est une chose qu'il avait négociée avec les producteurs, et il a tout de suite eu l'idée de confier la série à un éditeur particulier, que l'on retrouve depuis 2015 aux manettes de la bande dessinée, Marvel. Et ouais, Marvel a commencé dans la bande dessinée Star Wars, non pas en 2015, mais bien en 1977. Et au niveau des artistes que l'on connaissait sur cette série, oui, on peut citer Chaikin, et notamment Carmine Infantino. Voilà. Et les scénaristes et les dessinateurs vont se succéder jusqu'en 1986, sur cet univers bande dessinée que Marvel a développé. À noter que les 6 premiers numéros en fait adaptent le film Un Nouvel Espoir en bande dessinée, et qu'ensuite régulièrement, au fur et à mesure de la sortie de l'épisode, que ce soit l'Empire Contre-Attaque ou le Retour du Jedi, la bande dessinée s'inspirera fortement des éléments narratifs de ces différents films. Mais n'allez pas croire que ces premiers runs de bande dessinée chez Marvel s'est voulu simplement le suiveur fidèle des films et de l'univers donc de Star Wars. La BD en fait, à un moment donné, va se poursuivre avec des histoires qui sont très originales et qui quelquefois reprennent des éléments des films et vont les prolonger bien au-delà de ce qu'ils avaient comme poids et comme importance dans la narration. Et toi, tu n'as pas trop lu ces bandes dessinées de... Si, moi j'ai lu les tout premiers, donc ceux de 77, de Howard Chaykin et Carmine Infantino. Moi j'ai vraiment lu les premières années, c'est-à-dire les années les plus difficiles à lire. À part si tu es fan de Star Wars, c'est très très difficile, parce que même les artistes eux-mêmes, quand on leur a confié ces séries-là, ils n'étaient pas particulièrement enjoués. Par exemple, les gens ont très souvent demandé à John Buscema en disant « Mais votre Conan, il est merveilleux, c'est fantastique ce que vous avez fait !» Mais il fait « Mais je déteste Conan, je déteste le super-héros, c'est de la purge. » Voilà quoi. Ouais. Donc je pense qu'ils ont fait ça, très honnêtement, parce qu'on leur filait à bouffer quoi. Donc ça sentait quand même qu'ils n'étaient pas super inspirés par l'univers Star Wars. Après, par la suite, c'est vrai que les années 80, il y a eu beaucoup plus d'inventivité, beaucoup plus de liberté. Bon, faut dire qu'entre l'épisode 4 et 5, il y a eu quand même plus de temps qu'entre l'épisode 5 et 6. Donc ce qui fait qu'à partir des années 80, là, ils sont plus lancés. Et à ce moment-là, en fait, Marvel a mis des jeunes poulains. Et alors que, par exemple, en 77, quand est sorti pour la première fois, ils ont mis que des gens qui avaient quand même un peu de... Qui avaient du bagage. Voilà, qui savaient travailler vite et qui savaient travailler aussi sur des licences. Parce qu'Infantino a fait aussi du Conan, parce que Conan est aussi sorti chez Marvel. Donc, je veux dire, c'est des gens qui avaient l'habitude de travailler sur d'autres choses que du super-héros, quoi. Des gens qui travaillaient vite, qui travaillaient bien, bien dans le sens où ils savaient respecter une charte... Sachant quand même que sur ces artistes, Ward, Chaykin, c'est peut-être le seul qui ne s'est pas retrouvé de manière surprenante sur la série, puisqu'en fait c'est Lucas lui-même qui l'avait contacté, ayant aimé en fait plusieurs titres BD de science-fiction qu'il avait pu faire auparavant. Il se disait qu'en fait son travail pouvait tout à fait s'adapter à l'univers de la saga. Mais bon, quand même, comme tu le disais, les scénaristes se sont notamment bien lâchés, puisque entre autres bizarreries, pour avoir lu quelques numéros de cette bande dessinée, on va se retrouver à un moment donné avec un espèce de lapin intergalactique du nom de Jax, pour être précis. Luc aura d'ailleurs une petite amie, Shira Elan Colabri, retenez bien ce prénom si un jour ça vous sert pour une soirée questionnaire sur l'univers étendu de Star Wars. D'ailleurs, cette Shira aura un rôle tout à fait particulier, parce qu'en fait, au tout début, c'est une espionne au service de l'Empire. Et entre autres choses, d'ailleurs, nos héros croisent aussi dans cette bande dessinée un peuple hippie appelé les Eltrons. Et en France, on a eu le plaisir de pouvoir lire cette bande dessinée dans le magazine Titan entre 1979 et les publications sont étendues entre 1979 et 1986, mais pas dans leur totalité. Car en voyant le nombre d'épisodes, globalement, en fait, en France, on a eu droit quasiment aux épisodes entre le numéro 18 et le numéro 90, quelque chose comme ça. À noter d'ailleurs que cette bande dessinée des années 80, bah, vous n'avez pas forcément à tout de suite aller les chercher chez les brocanteurs ou à arpenter les vides-greniers, puisque Delcourt l'a republié entre 2010 et 2013 en kiosque. Ce fut d'ailleurs assez catastrophique à un moment donné, puisque les BD étaient devenus introuvables. Et puis ils ont eu l'idée ensuite en librairie de ressortir celle-ci sous le label Star Wars Classics. Et pourquoi cette maison d'édition s'est occupée de cette licence ? Bah, tout simplement parce que dans les années 90, ils vont être l'ayant droit français pour la publication des BD de Star Wars. Tout à fait. En 98. Car en fait, ils vont être le représentant donc français pour une maison d'édition qui s'appelle Dark Horse, qui va prendre le relais de Marvel au début des années 90, puisque Marvel va laisser tomber un peu la licence, notamment après le retour du Jedi. Et c'est Dark Horse qui se dit, bah tiens, il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Et ils vont se lancer dans les années 90. Qui ne sont pas les années les plus faciles pour Star Wars, hein, soyons honnêtes. Alors, comment ça marche l'univers à ce moment-là de Star Wars dans les comics ? C'est-à-dire qu'en fait, ils sont repartis de zéro, entre guillemets. Et ils vont commencer avec plusieurs mini-séries. Hein, et ensuite, ils vont se lancer à faire des séries. Alors, l'avantage qu'ils avaient pour eux par rapport à Marvel maintenant, c'est que c'était un univers étendu. Donc, ils sont allés très très loin. Ils sont allés de moins 4000 ans. Alors, on parle avant la bataille de Yavin. Ils sont même allés au-delà. Ils sont allés à la naissance de la Force. Et il y a aussi toute une période avec les Mandaloriens. Oui, oui, oui, oui. Ils sont allés à la naissance de la Force, qui est en moins 4000, qui, avant que la République existe, où en fait, c'était quelque part une histoire un peu à la Abel et Caïn, quoi. Donc ils vont des origines de l'univers. Voilà, de l'univers. Jusqu'au moment de la Force, jusqu'à la période plus 120 ans, qui avec est la Legacy. Période Legacy. Voilà, donc en fait avec le petit-fils de Luke, si je suis toujours bon, dans Legacy, on suit les aventures de Kate Skywalker. Et là, en fait, on voit un univers dévasté où il n'y a plus de République et qu'il y a une espèce de nouvel empire, mais Sith, qui est complètement fondé sur la religion Sith. Sachant qu'ils ont bouleversé un peu les choses, parce que normalement c'est un maître, un apprenti. Cette fois-ci, il y a un maître et beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres qui suivent. Voilà. Donc ça c'est pour Star Wars Dark Horse. Un des grands intérêts quand même de cette maison d'édition, ça a été vraiment de développer cet univers, un peu comme tu le notes, par période et aussi par thème, puisqu'on va retrouver des BD qui sont consacrés au côté obscur. Moi je pense notamment à l'Empire Écarlate, qui est une très bonne BD. On voit aussi les Jedi avec KOTOR, donc l'abréviation en anglais, mais qui en français devient les Chevaliers de l'Ancienne République. Alors, KOTOR, Knight of the Old Republic, avait commencé notamment avec le jeu vidéo qui se passait pendant cette même période, qui a révolutionné d'ailleurs, au-delà du simple fait que c'est une licence, ça a révolutionné le système de RPG, qui est donc un jeu de rôle, où on pouvait vraiment choisir si on était du côté obscur ou si on était du côté lumineux, on était un Jedi, et ça changeait vraiment. C'était l'un des premiers jeux où les choix avaient une incidence sur le déroulement du jeu. Alors c'est pas comme maintenant, on a vraiment des jeux cinématographiques, mais ça avait vraiment une incidence. Et ça se passe pendant cette même période-là, donc c'est après les grandes guerres des Sith et pendant les guerres mandaloriennes. À noter d'ailleurs aussi que le film Rogue One m'a fait repenser à un titre qui était sorti par Dark Horse que j'avais plutôt aimé. C'était X-Wing Rogue Squadron. Oui, bah en fait ça vient de là, au départ le Rogue Squadron c'était donc l'équipe que Luke a fondée, mais qu'il a confiée vite fait à Wedge Antilles, donc qui lui a confié, qui était au-delà des pilotes d'élite, était aussi une petite unité comme ça qui faisait des missions d'espionnage. En fait un peu comme dans Rogue One, c'était une équipe d'élite, bon ils avaient 5, 6, ils n'avaient pas que des X-Wing, ils avaient aussi des B-Wing, etc., etc. Oui enfin toute la panoplie. Voilà exactement toute la panoplie, mais au-delà des pilotes émérites, c'était aussi des gens qui savaient faire de l'espionnage. Après c'était le seul souci, comme habitude chez Dark Course, c'est que les dessinateurs ne suivaient pas toujours avec la qualité des scénarios. En fait, l'un des gros soucis, c'est s'il y avait une certaine continuité du côté des scénaristes. Par contre, côté des dessinateurs, on pouvait se retrouver d'une série de trois épisodes à l'autre, mmh. avec un dessinateur complètement différent qui débarquait en plein milieu de la série, changeant complètement l'univers graphique de celle-ci, mmh. et quelquefois vraiment pas pour le mieux. Mmh. Bah, c'était pas très sexy, contrairement à maintenant, d'être dessinateur sur Star Wars. Quoi. Quand Dark Horse a commencé, c'était vraiment le... Il n'y avait pas encore l'épisode 1 qui était dans les wagons. La bande dessinée, c'était un peu mort, quoi. Enfin, je veux dire, et donc, être dessinateur chez Dark Horse, qui était un éditeur qui n'était pas très, très connu, du moins reconnu, on va dire... Mmh. à sa juste valeur comme il l'est maintenant. En tout cas. Voilà, c'était un peu compliqué de trouver des gens qui avaient de l'expérience. Au-delà de qui étaient connus, je dirais qui avaient de l'expérience et qui acceptaient de travailler sur de longues séries. Avec une très grande régularité. Voilà. Néanmoins, il y a beaucoup d'originalité chez cet éditeur puisque, comme beaucoup en fait, on a pu peut-être commencer à lire des bandes dessinées Star Wars avec des titres donc, de Dark Horse qu'on a pu lire en français chez Delcourt. Mmh. Il y a quand même quelques originalités parce que je trouve qu'ils ont su adapter vraiment des idées assez larges en la création d'un univers étendu. Et un des points forts par rapport à la saga Star Wars, c'est que c'est une des choses qui plaît forcément quand on regarde les films, c'est qu'en fait on a vraiment conscience d'être... On passe avec une galaxie entière, avec des millions de personnes, avec chacun une culture, une spécificité particulière. Et Dark Horse, de ce côté-là, s'est laissé aller à beaucoup d'imagination. Dark Horse s'est nourri beaucoup aussi de ce que les romans avaient déjà créé en premier. Mm-hmm. Avec notamment le cycle de Throne de Timothy Zane. Mm. Donc, ouais, il y a eu 5 volumes de bande dessinée parus. De par un Français, Olivier Vatine. Voilà. En fait, ils ont pris... on va dire, partie de voir comment s'écrit l'univers dans les romans pour faire la même chose. Après, voilà, ils ont inventé des personnages voilà, comme Kate Skywalker, comme Quinlan Vos. Oui, exactement. Donc, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment développé leur univers comme on développe... ils ont vraiment créé un monde galactique. Oui, c'était juste la saga des films a été, au début puisqu'il n'y en avait que 3, a été vraiment le point d'origine d'un univers de bande dessinée extrêmement florissant, baroque par moments, et extrêmement riche. Ils sont même d'ailleurs jusqu'à trahir les films, puisque sur le plan éditorial, ils ont proposé en fait à un moment donné des Infinities, qui ne sont rien d'autre que des What If, assez intéressants quelquefois à lire. Ils imaginent, en fait, ils reprennent l'un des films, et ils disent, bah tiens, imaginons si à ce moment-là, là, Leia développe ses pouvoirs très tôt, qu'elle rejoint Dark Vador, que se serait-il passé ou si Luke ne réussit pas loupe son tir à la fin de l'épisode, donc Un Nouvel Espoir. Et c'est des curiosités, mais qui sont intéressantes à lire, parce qu'elles offrent un autre point de vue par rapport au canon historique de la saga. À noter aussi une autre série que moi qui m'avait bien plu à la lecture, c'était cette série qui était un crossover entre les 10 époques clés de l'univers Star Wars, donc Vector, où chaque équipe de chaque période a eu en charge en fait un épisode de la série Vector. Mm-hmm. Une très bonne série. En gros, c'est un peu comme, pour les personnes qui n'ont pas lu, c'est un peu comme ils ont fait avec Dark Vador abattu, où ils ont mis, Marvel a mis les deux grandes séries... régulière ensemble. Là, en fait, le gros tour de force, c'est que les trois séries se passaient sur trois périodes totalement différentes. C'est-à-dire qu'il y en a une qui se passait entre moins 3000, l'une pendant la guerre des étoiles, donc la première trilogie. Et l'autre se termine dans Legacy. Et l'autre en 120 ans. Donc en fait, il fallait qu'ils trouvent quelque chose qui puisse faire en fait lien dans toute cette temporalité. Et en fait, tout commence avec un artefact site. Voilà. Et donc, on suit l'histoire de l'artefact site à travers les siècles et les héros de Star Wars. Donc, c'est très, très bien réussi. Très réussi. Alors, vous l'aurez compris avec nos propos, Dark Horse a su sortir de l'ombre des films et affirmer une ligne éditoriale singulière qui n'est pas sans défaut, comme on a pu le noter, notamment avec certains dessinateurs qui étaient assez irréguliers, voire quelquefois mauvais dans le registre demandé. Et donc, l'aventure avec Dark Horse se poursuit jusqu'en 2013, et ensuite, avec le rachat de Lucasfilm par Disney qui possède aussi Marvel, et ben la parenthèse ouverte au début des années 90 se termine avec le retour de l'éditeur historique. Donc historique et américain, Marvel, aux commandes de la bande dessinée Star Wars. Et avant de vous en proposer notre critique, notre point de vue sur les différentes séries, on vous propose d'en faire un tour de ces différentes publications, car il y en a maintenant... Depuis un an et demi que nous avons des traductions en français, nous n'avons pas moins de 12 séries mini-séries ou séries régulières qui sont sorties. On commence par les séries régulières ? Oui. Mais juste avant ça, on s'écoute une petite pastille musicale. Ceux qui n'auraient pas reconnu les interprètes, c'est tout simplement à l'acapella un medley des différents thèmes musicaux de Star Wars. Et en fait, à l'origine de ce medley, nous avons The Roots, Jimmy Fallon et le casting du film Star Wars 7, donc Le Réveil de la Force. Nous sommes toujours dans le podcast concernant Star Wars, un univers en BD. Et avant de vous proposer notre critique de ces nouvelles bandes dessinées Marvel avec Emily, on va vous faire un tour des différentes séries qui vous sont proposées en lecture. Donc différentes séries qui, en français, sont éditées par Panini. Alors sous deux formats, oui. On a la partie kiosque pour les séries régulières, mais qui sortent aussi après en librairie. Et pour toutes les mini-séries, en fait, oui. On a une sortie qui est directement en librairie. On commence par les séries régulières. Oui, donc deux séries régulières, donc Star Wars et Dark Vador. Donc moi, je vais vous parler un peu de Star Wars. Alors, ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que Marvel a mis quand même les bouchées doubles et a mis les petits plats dans les grands en mettant sur ces séries, qu'elles soient mini ou des séries régulières, des stars pour la plupart du temps. Hein, quand on voit... Sur Star Wars, c'est quand même Jason Aaron et John Cassaday. Cette BD Star Wars est très classique, on va dire, dans le fond, parce qu'en fait, on suit les aventures de Luke, de Leia. Juste après Un Nouvel Espoir. Voilà. Entre Un Nouvel Espoir et L'Empire Contre-Attaque. Voilà. Donc, en fait, c'est très classique. Hein, c'est des aventures galactiques avec très, très jolie écriture, très plaisante. John Cassaday en forme. Alors qu'il on n'avait peut le dire, mais dans le premier run... En forme, plus que ce qu'il nous a montré depuis, je dirais, 7 ans, 8 ans. Et Jason Aaron, justement, sur quelque chose de très classique, a réussi à donner un côté léger et aventureux. Vraiment, vraiment, c'est de l'aventure galactique. Beaucoup d'action aussi. Voilà, beaucoup d'action. Mais c'est vraiment... Alors, léger, ça ne veut pas dire mauvais. Hein. Attention, ce que je... C'est... Non, mais les enjeux en sont immédiats. Voilà, exactement. Après, d'un point de vue écriture, c'est impeccable. C'est propre, c'est extrêmement c'est... carré d'un côté comme exactement. De l'autre. On sent bien qu'avec cette histoire, dans les premiers épisodes, puisque là, on insiste un peu sur le début, donc avec Cassaday, on est tout de suite dans l'action, d'ailleurs, dès le numéro 1. Hein, et on a tout à la fois la ferme volonté de séduire le fan de comics, c'est-à-dire le lecteur lambda, qui, n'ayant peut-être jamais lu de Star Wars, va aller ouvrir un numéro parce que, bah, justement, c'est Aaron et Cassaday. Et de l'autre côté, on a voulu séduire aussi les fans de la saga, notamment avec plein de clins d'œil très appuyés, avec des répliques ou des situations qui rappellent très fortement les films. Oui, non, mais en fait, ils ont été très, très, très intelligents sur leur façon de faire. Après, qu'on ait apprécié ou pas, après, là, c'est toutes les questions. On ne peut pas, en tout cas, enlever tout le travail artistique, que ce soit du scénariste ou du dessinateur. Surtout qu'après Cassaday, les noms vont se succéder. Oui. On va avoir Ibonem, Yu, Molina notamment, je ne vais pas tous les citer, et à chaque fois quand même, chaque dessinateur saura s'adapter au cadre narratif proposé par Aaron. C'est des gens qui ont un style très classique. Justement, ouais. En fait, c'est des gens qui, dans le canon du monde des comics, ont un style, on va dire, assez classique. Donc je pense que c'est pas par hasard, et qui ont travaillé déjà depuis des années sur l'univers Marvel. Donc je pense qu'ils ont mis quand même des gens qui étaient très talentueux et qui savaient travailler dans un cadre, on va dire, strict. À côté de Star Wars, qui est, on va dire, la partie lumineuse de l'univers de la bande dessinée pour Marvel en matière de série régulière, on a une autre série régulière qui s'appelle Dark Vador, qui, pour le coup, au niveau artistique, a la même équipe depuis le numéro 1, avec Kieran Gillen au scénario et LaRocca au dessin. À noter d'ailleurs qu'au moment où nous parlons, la série n'est pas terminée en France, mais elle s'est terminée au numéro 25 aux États-Unis. Donc c'est une série parallèle à la précédente, qui est centrée bien évidemment sur l'Empire et son représentant le plus emblématique après l'Empereur, Dark Vador, qui, après le coup réussi par la Résistance, donc dans Un Nouvel Espoir et dans les premiers numéros de Star Wars, se retrouve sur la sellette puisque l'Empereur n'a pas tout à fait confiance en lui et va le mettre en compétition avec des créations d'un docteur machiavélique. Et l'essentiel en fait des numéros va amener en fait Dark Vador à déjouer certains pièges, à entendre d'autres et à se sortir assez brillamment, en tout cas si on continue sur la publication française, de ces différentes situations. Donc on a une série plus sombre, mais qui n'est pas dénuée de charme, que ce soit au dessin ou à l'histoire. On a là aussi quelque chose de très réussi, avec notamment, j'ai pensé à ça en fait en voyant Rogue One, un duo de robots qui fait dans l'humour, mais des fois l'humour très noir, car dans Dark Vador, le duo de robots que recrute Vador, qui font tout à fait penser à C-3PO et R2-D2, sont les pendants machiavéliques de ces deux robots, imaginant sans cesse de nouvelles manières de se débarrasser des êtres humains, car pour eux c'est une passion. À noter, comme toi tu as pu le lire, le crossover entre ces deux séries principales, sous le nom alors évocateur de Vador abattu, crossover qui se situe après les 12 premiers numéros de chacune donc, de ces séries. On retrouve du côté donc, de Dark Vador encore Kieran Gillen et LaRocca, et du côté de Star Wars, c'était Aaron et Deodato. Deodato. Voilà, exactement. D'ailleurs, un épisode plein d'action, plein de rebondissements, où tout le monde, personnage des deux sagas, donc des deux séries, pardon, se retrouve sur la même planète. En fait, Vador se retrouve entouré par une armée. Va-t-il s'en sortir? Vous le saurez en lisant Dark Vador abattu. Alors on va peut-être passer maintenant aux mini-séries. En fait, à côté de ces deux séries, nous avons, en tout cas, si on doit les compter pour les séries sorties en français, sept mini-séries sorties en français jusqu'à présent. Alors, peut-être pour essayer de faire un classement, parce que l'avantage qu'on avait avec Dark Horse, c'est que Dark Horse situait toujours selon une époque ou selon une thématique. Donc on s'y retrouvait assez facilement sur la ligne éditoriale. Ouais, chez Marvel, c'était un peu plus compliqué. Mais il y avait une chronologie, en fait. Ils ont créé en fait un peu comme la naissance de Jésus-Christ. Eux, ils se sont dit, on va faire l'explosion de la première étoile noire, boum, la bataille de Yavin. Voilà. Donc, les trois mini-séries qui se situent juste après Un Nouvel Espoir, donc chez Marvel, c'est d'une part Princesse Leia, Lando et Chewbacca. Alors, Princesse Leia, c'est avec Mark Waid et Terry Dodson. Tout à fait. Donc, une série dont l'histoire est somme toute donnée assez sympathique. Donc, on suit la Princesse Leia quelque temps après l'explosion de la planète Alderaan. Et donc là, on la voit vraiment dans son rôle de princesse, mais également de général de l'Alliance Rebelle, qui doit être aussi sur le terrain. Donc c'est très très bien construit, un bon récit donc du Mark Waid, toujours quelqu'un de très très solide dans ses récits. Très intéressant. Une princesse qui cherche sa place. Voilà. Ouais. Non, en fait, au-delà de... Je pense qu'elle connaît sa place. Elle doit montrer au reste de la galaxie quelle est sa place. C'est plutôt ça, en fait. Mm-hmm. Et c'est plutôt ça qui est intéressant. C'est toutes les embûches. Comment elle arrive à s'en sortir, etc. Comment elle arrive à asseoir son statut tel qu'on le connaît, par exemple, dans l'épisode 7. Voilà. Mm-hmm. Tout le monde connaît Leia. Tout le monde sait ce qu'elle vaut. Plus personne ne fait même doute même de son leadership ou de ses pouvoirs. Une BD qui est assez psychologique. Lando, là on peut parler en fait d'une structure assez classique puisque l'essentiel se situe autour du vol d'un vaisseau très rare où on voit Lando et Lobot se lancer dans le vol donc d'un vaisseau qui se trouve appartenir à l'empereur. Un événement important d'ailleurs pour le cyborg qui accompagne Lando. Et du côté artistique, on retrouve, alors bien évidemment encore une fois, deux très grands noms, mais deux noms que moi j'apprécie tout particulièrement. D'un côté Charles Soule et de l'autre Alex Maleev. Oui. Alors, c'est un peu du fanservice, parce que Lando, il apparaît pas énormément dans Star Wars, mais on l'aime tous. Comme Boba Fett. Voilà, comme Boba Fett. Non, peut-être quand même, il a pas... Il apparaît plus que Boba Fett. Il apparaît plus Boba Fett, mais surtout, c'est un peu comme Han Solo, c'est un vaurien, mais il est séducteur, et puis il a pas mauvais fond, même s'il essaie toujours tantôt louper, il a pas mauvais fond. Et surtout, en fait, il va y avoir un film ou une série, enfin bref, c'est pas, le support n'est pas définitif, sur Lando, donc peut-être pour faire découvrir ou redécouvrir aux anciens fans et aux nouveaux. Cette bande dessinée donne un peu plus d'épaisseur au personnage et oui, n'en fait pas que la doublure, comme tu le notais, d'Han Solo. Oui. De l'autre côté, ce n'est pas la doublure, mais c'est celui qui accompagne dans toutes ses aventures Han Solo. Il s'agit de Chewbacca, une bande dessinée donc de Gary Dugan et Phil Noto, qui est une sorte de western galactique où notre Wookiee préféré atterrit sur une planète suite au crash de son vaisseau, et va sauver des esclaves d'une mine. D'une mine, voilà. Alors, c'est très classique, c'est très beau. Bon, c'est Phil Noto, moi, je suis une fan, mais c'est vrai que c'est très, très beau. Après, c'est assez creux. Personnellement, je trouve ça assez creux, dans le sens où ça se lit très bien, c'est plaisant. Après, pour quelqu'un... Alors, on peut le donner aux enfants, ça c'est l'avantage. Non, mais je veux dire, c'est pour tous. Après... Quand on est fan de l'univers, on attend peut-être un peu autre chose. Et on est un peu déçu. À côté de ces trois séries donc, qui se situent juste après les événements de Nouvel Espoir, on retrouve une série qui, elle, se situe juste après Le Retour du Jedi. Il s'agit de Star Wars, Les Ruines de l'Empire. Une bande dessinée de Greg Rucka et Marco Keketo. Donc, elle se situe après la première des trilogies Star Wars, donc les épisodes 4, 5 et 6. Une BD un peu plus adulte dans le ton, avec un rythme et une densité un peu plus importante que les trois que nous avons cités. Tout à fait. En fait, déjà, ils ont donné ça à Greg Rucka, qui est quand même quelqu'un qui est spécialiste... on va dire je trouve du côté saga, du côté épique. Voilà, donc en fait, ils se sont dit, bon, on va donner quelque chose de plus adulte à Greg Rucka, tout en mettant quelqu'un de jeune aux manettes, qui est Marco Keketo, dans le sens jeune, je ne sais pas quel âge il a exactement, mais qui commence, on va dire, à percer de façon très sévère chez Marvel. Et donc, le souci, c'est que je me dis que Greg Rucka aussi pensait que c'était allé être une série régulière. Donc, c'est court. Il n'y a que 5 épisodes. Et moi, j'ai été un peu genre, ah, ok, ça se termine comme ça. On s'attend en fait à une suite. Le cliffhanger voilà, qui termine cette... Parce qu'en fait, il faut préciser que contrairement aux trois séries précédentes que nous avons citées, donc Princesse Leia, Chewbacca et Lando, cette série, donc Star Wars, Les Ruines de l'Empire, ne suit pas un personnage particulier et connu. En fait, il en suit un inconnu, puisque c'est une pilote en fait de X-Wing qui s'appelle Shara Bay, qui après la dernière bataille se retrouve dans différentes missions pour continuer la lutte contre les derniers éléments de l'Empire. Et en fait, un de ses désirs à elle, c'est simplement de retrouver son amoureux. Voilà, sa famille. Voilà, sa famille, son amoureux. Elle va y croiser, durant ses aventures, Leia et Luke, notamment. Et au dernier épisode, on se dit, tiens, il va y avoir une suite. Et puis non. Bon. Donc peut-être que, je ne sais pas, ce qui, je ne suis pas dans les petits papiers de Marvel, mais en fait, je me demande si même Greg Rucka ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une suite. Parce que ça se finit comme ça, bon, alors ça peut se lire en un seul épisode, mais c'est un peu... Je trouve ça... Ça aurait peut-être mérité 12 épisodes, histoire de ne pas finir sur sa fin. Alors, autre série qui se situe dans l'univers des films, tout du moins juste après, ou entre deux épisodes, c'est Star Wars Obi-Wan et Anakin, scénarisé par Charles Soule avec au dessin... Marco Keketo. De nouveau, exactement. Donc la série se situe entre La Menace Fantôme et L'Attaque des Clones, puisqu'en fait on y suit l'apprentissage d'Anakin auprès d'Obi-Wan. Et en fait c'est un moment très particulier, puisqu'en 5 numéros, on suit les aventures des deux héros sur une planète... non aligné qui vit dans une situation de guerre permanente. Et la particularité de cette aventure, c'est de montrer un Anakin qui doute de son appartenance à l'Ordre Jedi, qui oui. veut même peut-être d'ailleurs le quitter. Oui, en fait, c'est très bien écrit, je trouve. C'est aussi un beau... Comment dire, un beau récit sur l'adolescence, en fait. Donc, il se cherche comme n'importe quel jeune adolescent pourrait le faire. Alors, pour le coup, je trouve que l'avantage qu'a Charles Soule par rapport à beaucoup d'autres, c'est qu'il a inventé totalement aussi une planète. Il a inventé un peuple, il a inventé des choses. Il y a un petit côté aussi steampunk quand on voit le décor. Enfin, au niveau technologique. Voilà, au niveau technologique. Donc, je trouve que la grande force aussi que peut avoir ce récit, c'est le fait d'avoir pu peut-être créer un univers autour de cette histoire d'adolescent. Alors, on n'essaye pas de trop vous dévoiler le récit de l'une ou l'autre BD, mais c'est vrai que parmi toutes ces séries sorties, ces mini-séries de l'éditeur Marvel, Obi-Wan et Anakin est une excellente lecture. Et l'on va poursuivre toujours avec les mini-séries. Et là, on quitte l'univers des films. La bande dessinée dont nous allons parler reste par contre dans l'univers de l'animation, puisqu'il s'agit en fait de Kanan, avec une bande dessinée de Greg Weisman et Pepe Larraz, série qui s'inspire et qui se situe dans l'univers de la série d'animation Star Wars Rebels. Oui, tout à fait, c'est une bonne petite série, c'est un peu la bouffée d'oxygène après toutes ces séries un peu sérieuses, et surtout peut-être très classique, dans un sens un peu dans la narration. Là, on a quelque chose d'un peu plus léger, mais surtout de frais. Alors après, je pense que, par exemple, c'est ce qui se rapproche d'un point de vue, je pense, narratif, de ce que faisait Dark Horse. Et ça souffre du même problème, c'est-à-dire que Pepe Larraz est très très bon, mais parfois, pour des tie-ins, donc des tie-ins, c'est en gros des épisodes qui n'ont rien à voir avec... l'histoire précédente, pour un numéro ou deux numéros, ou même dans l'arc principal, on met un autre dessinateur beaucoup plus faible. Ça casse un peu le rythme de lecture. Mais sinon, on suit donc la jeunesse de Kanan. Kanan qui, vous savez, si vous regardez la série Star Wars, c'est celui qui a un book et qui est le pilote de la série Rebelle, donc avec son petit groupe de rebelles. Et donc là, on suit sa jeunesse et surtout, en fait, ses tribulations en tant que Padawan. Bon, alors, sachant qu'on arrive vite à l'Ordre 66, donc en fait, après, on suit également sa survie. C'est-à-dire qu'on... En gros, on a un petit peu, quand il est Padawan, mais l'Ordre 66 arrive, son maître meurt, et boum, il doit se débrouiller dans cette vaste galaxie où il n'est plus Padawan. Et surtout, il est un être menacé par l'Empire qui s'installe. Tout à fait. Autre série, et toute dernière qui est sortie, qui là, par contre, nous ramène à la toute nouvelle trilogie, puisqu'elle est consacrée, en fait, au pilote émérite de X-Wing que l'on découvre dans Le Réveil de la Force, Poe Dameron. Oui, tout à fait. Donc là, on a que les trois premiers épisodes, hein, à savoir, dans la BD, en français, ils ont mis les trois premiers épisodes de Poe Dameron, ils ont mis un épisode de C6PO, donc on apprend comment il a son fameux bras orange. D'ailleurs, scénarisé par James Robinson. James Robinson et dessiné par Tony Harris. Tout à fait. Donc voilà, si vous vous questionnez sur le bras rouge de ces 3 PO, vous avez la réponse dans ce titre. Voilà, et ensuite, à la fin, il y a un côté un peu romantique avec comment BB-8 fait pour en sorte qu'un pilote et un mécanicien tombent amoureux l'un de l'autre. Donc c'est beaucoup plus léger. La série en elle-même est somme toute donnée très classique. On donne une mission à Poe Dameron, il crée son Rogue Squadron, quoi, et ils vont essayer de mener à bien. Alors, l'avantage, c'est que ça se passe juste avant, en fait, l'épisode 7. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un peu comme Rogue One, c'est comment ils ont réussi à voir les plans de la nouvelle étoile de la mort. Alors, c'est très, très, très joli. Hein, c'est encore film auto. Bon, bah voilà, hein, je suis une fan. J'assume totalement. et Charles Soule également, qui collabore beaucoup donc pour le nouvel univers Marvel. Pour l'histoire donc de CPO qui perd son bras, enfin comment il perd son bras, comment il retrouve ce bras-là, c'est une histoire qui est sympathique, vraiment très sympathique, et qui donne la pleine, le plein talent de Robinson. Comment une histoire de survie devient quelque chose d'épique comme ça. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Graphiquement, on aime ou on n'aime pas, là, c'est une autre question. Mais c'est vraiment très bien. C'est Sumonoto encore, donc. Non, c'est Tony Harris pour le coup. Oui, sur C3PO, mais oui. Sur Poe Dameron. Sur Poe Dameron, bon, je trouve ça magnifique. Après, chacun ses goûts. Si vous aimez Finoto, en tout cas, vous pouvez vous précipiter sur ce titre. Voilà. Tout à l'heure, je parlais d'une douzaine de titres concernant l'univers Marvel, publiés à ce jour en français. Il est à noter qu'en fait, il y a aussi trois bandes dessinées consacrées aux films de la première trilogie qui sont déjà publiées. Mmh. Qui sont en fait ce qui est sorti chez Dark Horse. Voilà. Pour laquelle on n'insistera pas dessus. Voilà. Donc soit vous les avez déjà lus, c'est déjà sorti. Donc c'est pas une nouveauté. Voilà. C'est pas donc une nouveauté. En tout cas, il y a 10 titres différents et originaux sortis chez Marvel. Poe Dameron, comme on a pu dire, C3PO, Star Wars, Les Ruines de l'Empire, Kanan, Obi-Wan et Anakin, Chewbacca, Princesse Leia, Lando et les deux séries régulières, Dark Vador et Star Wars. Et le futur 2017, avec en janvier en tout premier Han Solo. Oui. Voilà. Qui sera suivi, alors par contre, ça débutera en anglais du côté des États-Unis à partir de mars avec Dark Maul. Et une série que tu vas me confirmer qui a débuté normalement en décembre avec Kieron Gillen au scénario, qui, comme oui. N'a plus Vador, en fait, il se retrouve un peu sans rien. Mais on lui a confié une mini-série, a priori, consacrée au Docteur Aphra, qui est en fait un des personnages essentiel de la série Dark Vador. Le dessinateur, c'est Kevin Walker, si je me trompe. Kev Walker. Ouais, il signe comme ça. Après, peut-être qu'il n'aime pas, Kevin, mais c'est Kev Walker. Ouais. Donc, 3 titres à suivre tout au long de l'année 2017. Ils allèrent dans une taverne où ils virent d'abord des créatures bizarres, étrangères à la planète. Mais ils ne tardèrent pas à découvrir dans un coin sombre un pilote de contrebande audacieux qui s'appelait Yann Solo. Je peux vous conduire sur Alderaan, mais cela vous coûtera très cher. Car je vais prendre beaucoup de risques pour faire passer des rebelles à travers les mailles du filet de l'Empire. Chit Taba, le copilote de Yann, une espèce de singe poilu à 8 bras, lança un grognement d'approbation. Luke, Ben et les deux robots prirent place à bord du vaisseau de Yann, le Faucon Millénaire. Mais tandis qu'ils approchaient d'Alderaan, ils furent les témoins d'un spectacle effroyable. Yann poussa un cri. « Regardez, la planète a été pulvérisée !» L'étoile noire qui surveillait les opérations repéra la présence du Faucon. Yann hurla à son copilote. « Déguerpissons d'ici, en vitesse !» Mais les commandes du Faucon étaient déjà neutralisées. Le vaisseau, pris dans le rayon de l'étoile noire, était attiré vers elle comme une proie. Yann ordonna à tous ses compagnons de se dissimuler dans le compartiment secret du Faucon. Durant ce temps, Vader interrogeait la princesse Leia dans sa prison. La princesse déclarait avec fierté « Vous ne saurez jamais de moi où est la base de nos forces. » Vader, furieux, s'apprêtait à quitter la cellule lorsqu'il perçut le frémissement d'une force secrète et invisible. À l'instant, vous entendez tout simplement un extrait du 45 tours d'Un Nouvel Espoir. Et oui, en fait, en 1977, à la sortie du film, les jeunes fans pouvaient aussi écouter l'aventure donc des héros de Star Wars sur un petit 45 tours. Après vous avoir présenté l'ensemble des titres parus chez Panini, donc de cet univers Star Wars, et qui est édité du côté américain par Marvel, voici un peu notre point de vue sur ces différentes lectures. Et pour ma part, si on peut dégager plusieurs éléments, on l'a noté et on peut insister là-dessus, c'est le caractère très fun qui ressort de l'ensemble d'une majorité de ces titres, pourrons-nous dire, donc quelque chose d'assez léger, centré sur de l'action, l'aventure d'ailleurs étant le deuxième aspect en fait de ces différentes séries. au-delà du fun pas dans le sens drôle, pas dans le sens où on a des punchlines toutes les 30 secondes, non, mais vraiment fun dans le sens où c'est de l'entertainment à l'Amérique, enfin ce qu'on attend de l'américain, donc c'est-à-dire on est diverti, voilà, c'est du divertissement. Après le divertissement on peut le faire bien, hein, je veux dire ça n'enlève rien à la qualité artistique. Et oui, effectivement, c'est basé sur de l'aventure, en fait. Voilà, c'est de l'aventure. Et il ne faut pas oublier quand même aussi l'un des grands plaisirs que l'on a, au-delà de la découverte d'histoires qui viennent un peu combler les trous entre différents épisodes de la saga, c'est le fait d'avoir des artistes de très grande renommée livrer là leur version de l'univers, de cet univers de space opéra, qui est le plus connu en ce bas monde, à l'heure actuelle en tout cas. Oui, je pense, oui. Et c'est un grand, grand point fort en tout cas de la partie éditoriale par rapport à Dark Horse, pour le dire. Et c'est ce qui sans doute explique aussi d'ailleurs les ventes côté américain au numéro qui sont assez phénoménales. Mais au-delà de ça, en fait, même s'ils ont mis des gens qui sont très talentueux, qui sont très demandés dans le monde du comics, ils ont mis des gens qui étaient aussi très solides. D'un point de vue, voilà, Kieron Gillen, outre le fait qu'il ait ses propres séries ailleurs, par exemple en indépendant chez Image, c'est quelqu'un qui est tout à fait capable de faire de longs runs, de créer un monde, et surtout de savoir créer un monde dans un monde prédéfini. Voilà. Il arrive, sa grande force, je pense, à Kieron Gillen, c'est de réussir à faire ça. C'est-à-dire, on lui donne, voilà, t'as des contraintes, et il arrive à réussir à l'intérieur de ces contraintes de créer un petit monde. Sans aucun doute, en fait, l'une des bases aussi d'avoir pris de tels artistes, c'était de pérenniser la bande dessinée, car rappelons-le, nous avons déjà un horizon jusqu'à 2020 pour les films, puisqu'en fait, donc cette année, on a eu Rogue One, l'année prochaine, on aura Star Wars, l'épisode 8, qui sera suivi sans doute en 2018, un épisode consacré à Han Solo, 2019, Star Wars, épisode 9, et a priori, on sait déjà, enfin, normalement, si les choses restent telles quelles, qu'en 2020, ce sera un film consacré à Obi-Wan. Et il se murmurait, en tout cas au début quand le projet avait été lancé, que cela s'intéressera en fait à la période où Obi-Wan s'installe en fait sur Tatooine, enfin juste avant qu'il s'installe, et cette période-là en particulier. Mais donc, comme il y a un horizon cinématographique jusqu'aux années 2020, il y a eu sans doute aussi, pour la branche bande dessinée et Marvel, de travailler, là aussi, d'installer un socle très solide avec ses différentes séries pour développer jusqu'en 2020. À cette période-là, sachant quand même les bandes dessinées sortent au rythme d'une par mois pour les régulières. Mais même regarde en France, Panini sortent au bas mot, je sais pas, moins 8 numéros par an. Je parle en librairie, je pense qu'il doit y avoir. Ils doivent être quand même à. Grosso modo, peut-être pas 8, j'exagère, mais au moins 6, ce qui est quand même énorme tous les deux mois d'avoir un en librairie. À des prix qui varient entre 13 et 17 euros, quelque chose de Star Wars. Donc c'est quand même bien soutenu, quoi. Nous aux avons 12 séries à l'heure actuelle traduites en français, un an et demi. Donc même s'il y a des séries qui appartenaient à Dark Horse, en un an et demi. Donc ce qui est remarquable sur le plan éditorial. C'est un gros boulot. Hein. Enfin, je veux dire, l'avantage, c'est qu'on a le choix. Après, c'est à nous de voir, hein, de tout acheter ou de pas tout acheter, ou de qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on cherche dans les lectures, au-delà du fait d'être fan de Star Wars ou pas. Je pense que, par exemple, Kanan, on peut très bien le lire sans être fan de... Sans connaître la série d'anime, ce qui était mon cas. Oui, voilà. Enfin, moi, j'ai vu la première saison. Après, j'ai pas continué. Mais, je veux dire, voilà... Kanan se lit très bien tout seul. Après, je pense que ils ont voulu raccrocher les wagons avec les gens qui ne lisaient pas du tout les séries de comics chez Dark Horse, en proposant aussi beaucoup de mini-séries, parce que le risque est limité, que c'est emblématique, comme tu l'as dit, sur un seul personnage, donc ce qui permet de recentrer facilement l'action. Et puis, en fait, ils ont pris quand même des personnages emblématiques qui ont une fanbase. Donc, très charismatique, voilà. Rappelons-le, Chewbacca, Lando, la princesse Leia... Donc voilà, mais en tout cas résumons les grandes qualités de Marvel. Certes, il y a une prise de risque que nous allons qualifier de contrôlée, puisqu'à chaque fois, les différentes mini-séries et les séries régulières s'insèrent dans les interstices entre deux films, que ce soit après Nouvel Espoir et avant donc l'Empire Contre-Attaque, ou que ce soit pour Obi-Wan et Anakin entre la menace fantôme et l'attaque des clones. Autre grande qualité, ces équipes artistiques remarquables, oui. Et des récits qui sont là pour aller chercher en fait le lecteur, enfin tous les goût possible du lecteur. Mais néanmoins, moi j'ai une question qui m'a trotté un peu dans l'esprit en relisant quelques-unes de ces séries en préparant le podcast. C'est Dark Horse, la grande qualité, ça avait été de repousser vraiment les limites de l'univers connu de Star Wars, et même allant jusqu'à créer des pans entiers de cet univers qui n'avait pas du tout été prévu par George Lucas. Est-ce que Marvel, de son côté, n'a pas tendance et risque sans doute aussi de s'enfermer là-dedans, c'est-à-dire de réduire ses limites de son univers à l'univers cinématographique? Non, en fait, c'est comme on l'a dit, maintenant on parlait d'univers étendu, maintenant on parle d'univers officiel. Donc l'univers officiel, ça veut bien dire ce que c'est, c'est-à-dire ce qui est officiel, c'est ce que dicte Disney. Voilà, un point c'est tout. Il ne peut y avoir qu'une parole, elle est sacrée. Ça fait un peu un maître, un apprenti. Là, ça fait un peu quand même très Sith comme on présente, mais c'est ça, c'est un univers officiel. Il y a des cahiers des charges, il y a des choses à respecter, et on peut avoir un peu de marge, mais elle est vraiment. Enfin, je veux dire, la laisse est là, elle est courte, la marge. Hein. Je veux dire, c'est du. On ne badine pas non plus trop avec Star Wars. Non, on le sent quand même cette marge un peu, justement, dans la bande dessinée consacrée à Lando. Mmh. Mais c'est clair qu'à mes yeux, en fait, c'est un aspect quand même négatif. C'est vraiment cette révérence de fait, puisque nous sommes dans l'univers officiel. Il y a quelque chose d'un peu religieux que la BD va entretenir maintenant avec l'univers Star Wars. C'est-à-dire que il n'y aura jamais de contradiction. Je veux dire, par exemple, dans les BD Dark Horse, à un moment donné, nous avons un Boba Fett qui est bien vivant. Sur une période où il est censé être mort. C'est expliqué, bien évidemment. Parce que bon, à chaque fois qu'on disait Boba Fett, c'est le mec, tout le monde faisait caca dans son armure, et là, il meurt comment ? Il y a un type qui lui met un coup de cul et il tombe dans la gueule du Sarlacc. Donc, excusez-nous, mais quand le mec le plus badass de l'univers se prend un coup de cul... Enfin bon, c'est un coup de lance, mais... Voilà, un coup de lance, mais c'est un peu ça, genre, hop, je te mets un coup de cul, poum, tu tombes dans le Sarlacc. Voilà, excuse-moi, ça fait un peu genre... T'as la mort du loser de base, du figurant numéro 45, au moins, tu vois, ça fait un peu la mort figurant numéro 45. Voilà, c'est la mort de Boba Fett. Alors ensuite, ils expliquent que Boba Fett, non, n'est pas mort, il a réussi à sortir de là, etc., etc. Il a fait une longue thérapie sur lui-même en se disant « je suis mort de manière absolument ridicule ». D'ailleurs, en fait, tout le monde lui demande « mais au fait, t'es pas mort, toi, dans le Sarlacc ?» Genre « mort du figurant numéro 45 ». Et donc à chaque fois, il doit prendre sur lui pour ne pas tuer la personne. Oui, mais c'est des choses amusantes. Et c'est des choses qu'on ne peut pas retrouver, a priori, en tout cas dans les prochaines bandes dessinées Marvel. Mais non, parce que c'est un univers officiel. C'est-à-dire voilà. qu'il y a une direction. Sachez-le, vous n'aurez pas droit à la même variété, à la même originalité. C'est sûr qu'il n'y aura pas de suite à Rogue One. En tout cas... Pour en revenir sur les BD Marvel strictement, ouais, parfois, moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est cet abus, un peu de clin d'œil à des éléments narratifs qui viennent, en fait, des films. Je trouve que ça vient quelquefois alourdir le récit ou créer, voilà, dépenser, entre guillemets, de la page pour des choses qui sont pas forcément plus Alors, intéressantes. Je pense qu'au début... ils s'attendaient pas... Enfin, je sais pas s'il y avait une vraie direction... dans l'univers Star Wars de la BD. Donc je pense qu'à la décharge de Jason Aaron, et surtout Jason Aaron, parce que lui, l'avantage de Kieron Gillen, c'est qu'il n'était pas dans un univers très... Ah bah lui, l'avantage, c'est qu'il était sur le personnage Dark Vador, qui est un personnage emblématique, bien évidemment, de la série, de la saga Star Wars, mais qui, pour le coup, n'a pas le même éclairage que Luke, voilà, que Luke, Han Solo, que Léa, etc. Donc qui est beaucoup plus officiel. Je pense qu'il ne savait pas. Je suis même pas sûr que c'est Marvel. C'est la figure de proue. Voilà. Je suis pas sûr que Marvel savait exactement là où ça allait se passer dans 2 ans, parce que eux, ça fait 2 ans et demi maintenant qu'ils font ça. Donc je pense que eux-mêmes ne savaient pas où ils allaient. Voilà. Donc je pense que les débuts un peu plus chaotiques font que chaotique, disons un peu plus balbutiant, voilà, c'est mieux balbutiant, ont permis de régler les choses. Mais justement, en fait, c'est trop réglé. C'est du papier à musique. Maintenant, on a à peu près... ils vont arrêter Dark Vador, donc Star Wars va continuer. Ils vont peut-être lancer une nouvelle série régulière, hein, quelle qu'elle soit. Et puis après, on aura 6 mini-séries par an. Vous l'aurez compris, en tout cas à nos yeux, l'ensemble des BD Star Wars chez Marvel est riche et intéressant. Même si vous l'avez compris, j'ai de mon côté quelques réserves, et Emily aussi, concernant quelquefois le manque de liberté dont disposent l'éditeur et les auteurs de ces différents comics. En conclusion, bien en fait, de mon côté, j'ai envie de terminer sur un conseil de lecture qui se situe bien évidemment dans Star Wars, puisque c'est ce dont nous parlons aujourd'hui, mais qui n'est pas une bande dessinée Marvel. Il s'agit d'une bande dessinée Delcourt, et qui vient nourrir, à mon avis, l'imaginaire des spectateurs de la série des films, mais aussi les lecteurs de la bande dessinée. Et ça s'intitule tout simplement et modestement La Guerre des Étoiles, une bande dessinée éditée chez Delcourt. Et en fait, la particularité de cette bande dessinée, c'est qu'elle s'appuie pour le développement de son scénario sur le script original de George Lucas. Oui, donc les premières ébauches de cet univers. Et on peut dire en tout cas que dans cette galaxie, donc il y a très longtemps et encore très lointaine, on va retrouver tous les personnages que l'on put aimer dans la première trilogie, mais de manière très différente, puisque là, par exemple, Luke Skywalker est un vieux général luttant contre l'Empire et les Sith. Il est accompagné par le jeune Anakin Starkiller, le fils d'un ami Jedi, et bien évidemment, on y retrouve quand même une princesse Leia et une étoile noire. Et sais-tu quelle est la particularité de cette bande dessinée, Emily, par rapport aux bandes dessinées Marvel ? On retrouve le même dessinateur. Exactement, qui s'appelle Mike Mayhew. Et tout à fait. Donc une belle lecture, je ne sais pas si tu as eu l'occasion toi de la lire. Oui, voilà. Je l'ai même à la maison et c'est très très bien. C'est un récit, l'avantage c'est qu'il se lit, on n'a pas besoin, à la limite on n'a même pas besoin de connaître Star Wars, puisque en fait, quelque part, on trouve les bases de ce qui va être, mais c'est totalement différent, c'est pas du tout le même ton. C'est-à-dire que c'est un space opéra, voilà, c'est toujours attention, hein, c'est pas non plus un huis clos contemplatif, hein, on n'est pas là, non. Mais je veux dire, c'est pas du tout le même ton. En tout cas, on a une trame politique très riche. Exactement. Que l'on ne trouve pas dans les films. Donc un bon conseil de lecture, mais que cela ne nous empêche pas d'aller aussi regarder du côté des BD de l'éditeur donc Marvel, édité en français, je le rappelle, chez Panini. Goodbye, Gonzo, and may the fish be with you. Oh, thanks, guys. Thanks for the cosmic knowledge. Goodbye, Mr. Gonzo. Goodbye. What does that get to let be? Voilà, c'est terminé pour Star Wars, un univers en bande dessinée. Petite émission que j'ai eu le plaisir de présenter avec Emily. La source des différents inserts sonores que nous avons pu entendre nous était proposée, eh bien, déjà par I Am, donc l'Empire du côté obscur en introduction. On a retrouvé a cappella et avec The Roots, Jimmy Fallon et le casting de la Force pour une réinterprétation des différents thèmes musicaux de la première trilogie. On a eu aussi un extrait du 45 tours, fameux 45 tours d'Un Nouvel Espoir, donc édité en français en 1977. Il y a eu aussi la musique du générique d'une série dont vous pouvez retrouver tous les épisodes sur YouTube. Il s'agit de Robot Chicken. Et enfin, May the Fish Be With You, cet extrait de Cosmic Fish, un film des Muppets.